Cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Intahayna, wa lillahi alhamd, fi darsina al-akhir, min masail al-kufr al-akbar. On a fini ensemble, wa lillahi alhamd, l'étude de ce chapitre, al-kufr al-akbar. Et il a cité, rahmatullah alayh, cinq catégories de kufr akbar. Faman yathkur minha, shay'an minha, qui c'est qui peut nous citer nawa min anwa al kufr al akbar? Tafadhal. Kufr al takdhib. Wa huwa bima'na madha? نعم التكذيب بالأدلة كما قال هنا القاطعة كسسوا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كفر لأن يجب على المؤمن تصديق ما جاء عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد كدمه يَدَمْ بِاللَّهِ il pense que c'est pas haq, فَهَدَ لَا شَكْرْ فِي كُفْرِ كذلك تفضل كفر الإعراض كفر الإعراض وهو بمعنى ماذا بمعنى الإعراض كلي ما معنى الإعراض بالعربية لا يخشى لا يخشى لا يخشى بعمل لا بأس من يترك الدين بالكلية أحسنت من يترك الدين بالكلية لا علم ولا عمل حتى التوحيد من توحيد يسددون هذا لا شك في كفره إعراض bien sûr كلي et cette catégorie on l'a détaillée ensemble في نواقد الإسلام كذلك تفضلي une autre catégorie الكفر الإبائي واستكباري ما معنى هذا كفر الإباء وكفر الاستكبار نعم الإباء والاستكبار أحسنت أنه لا يستسلم لله عز وجل ولشرعه مع أنه يصدق يسكسي حق لكن يسسومي با فلا يكفي مجرد التصديق لابد من تصديق واستسلام وعمل نعم Et Cheikh Najmi a cité deux exemples, Iblis ou Pharaon ou Qawmuh. Wa jahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Aïe, min bab al-kibr. Na'am, wa anwa' ukhra. Wa ma hukm man waqa'a fi hadha al-kufr? On parle min hayth al-itlaq, amma al-hukm 'ala al-mu'ayyan. On a déjà cité cette mas'ala fi nawaqid al-islam et dans d'autres cours il y a des shurut, il y a des mawani' et il y a une différence entre dire fulan c'est un kafir et fulan il est tombé dans le kufr, on l'a détaillé plusieurs fois lakin min hayth al-umum celui qui fait du kufr akbar fama hukmuh yakhruj min ad-din yakhruj min ad-din si c'est un muslim fayartad 'iyadan billah كذلك في الآخرة يدخل في النار نعم أنه يدخل في النار لا يكفي أبدا لا يخرج إلى الجنة نعم لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة أبدا لأنه مات على الكفر الأكبر فهذا حاله عياذا بالله سكم لأحكام كنا سيتي في الشرك الأكبر أنه لا يغفر أن عمله يحبط وأنه يدخل النار ولا يدخل الجنة وهكذا تولي أحكام سليمة لأنه سيكافر بالله عز وجل هذا الباب مهم كانت مثل هذه الأقسام والأدلة توسكس أمبليكس مهم ثم بعد ذلك ذكر رحمة الله عليه النوع الثاني لأن الكفر ينقسم إلى قسمين. الكفر ça se divise en deux catégories. الأكبر والأصغر. On a fini الأكبر dans le درس précédent. واليوم بإذن الله عز وجل نقرأ ما يتعلق بالكفر الأصغر. قال رحمه الله النوع الثاني وهو كفر أصغر لا يخرج من الملة وزاد في المتن وهو كفر النعمة. سان اكزامبل هذا. فهذا الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. On verra ensemble inshallah que dans des textes c'est cité al-kufr, que ce soit kufr ni'ma ou autre. Lakin هذا الكفر il fait pas sortir cette personne qui le fait min al-islam. Ben ça reste un musulman lakin waqa'a fi al-kufr al-asghar. Et c'est une kabira min al-kaba'ir, c'est très grave, lakin ça atteint pas le niveau de al-kufr al-akbar. قال وهو الكفر العملي. بعض العلماء انتقدوا هذا التعبير. Ne pas comprendre أن العمل ça peut pas faire sortir de l'islam. أي a pas de كفر أكبر عملي. لا. مثلا من سجد لغير الله عز وجل إلى فعل عمل كفري. C'est du كفر أكبر. لأنه il s'est prosterné pour autre qu'Allah عز وجل. À ne pas comprendre en le kufr al-akbar, c'est l'i'tiqad, et tout ce qui est lié avec le cœur, et le kufr al-asghar, c'est avec les membres. Là, c'est plus précis que hada, et inshallah vous détaillerez dans d'autres livres. قال وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. C'est un ضابط très important. Kufr asghar, c'est la même chose, shirk asghar. On a des textes fiha shirk, lafdatu shirk, et ça ne fait pas partie de l'islam. On a dit shirk asghar. Neuf ce shay, il y a des textes, c'est cité al-kufr, lakin ça ne fait pas partie, ça fait pas sortir de l'islam. Enfin, les ulama, ils ont appelé cette catégorie kufrun asghar. Hada sa dhabit muhim, c'est ça la définition. Al-kufrun asghar, c'est le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est cité kufr dans les textes, Quran ou Sunnah, لكن ça fait pas sortir de l'islam, فعن دي في هذا الحال كفر أصغر. قال مثل كفر النعمة وقتال المسلم والحلف غير الله. الحلف غير الله تقدم معنا في الشرك الأصغر. Juré par autre qu'Allah, on a vu que c'était du petit shirk dans la catégorie du shirk أصغر. كفر النعمة il va citer un دليل نقراه وقتال المسلم. فمما ورد في القرآن كفر النعمة قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر أصغر قال عز وجل فكفرت بأنعم الله. Kufr al-ni'ma, ça ne fait pas sortir de l'islam, lakin c'est du kufr asghar. Qala wa aqul al-kufr al-asghar warada fi sunna kadhalik. Wa min dhalik qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sibabu al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Deux exemples, kufr al-ni'ma, il a cité al-dalil, et deuxième exemple, qital al-muslim. Combattre un musulman. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé kufr. Lakin, ça ne fait pas sortir de l'islam. La question qu'on peut se poser, comment savoir que ça ne fait pas sortir de l'islam? On va prendre l'exemple, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, fi sahihain, comme fi al-hashiyah. Avec d'autres preuves, tu vas comprendre, ce kufr, ce n'est pas du kufr akbar. Et on répète souvent, à nos frères, l'importance de rassembler بين الأدلة. أهمية الجمع بين الأدلة. Il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils pensent que هذا القتال c'est du كفر أكبر. Pourquoi? لأنهم ils ont lu مثل هذا الحديث. وقتاله كفر. لكن العلم pour comprendre ce genre de مسائل خاصة فيما يتعلق بالتكفير والتبديع والحكم على الآخرين et tout ce qui est lié avec le حقوق, c'est important de ne pas se précipiter, de prendre tous les textes. وإلا فالإنسان ربما il va juger ou il va comprendre une chose avec un فهم قاصر. Pourquoi ? Ça va être sa vision va être diminuée. Les malades, il n'a qu'un délil. Et il base son jugement sur ce hadith, alors qu'il y a beaucoup d'autres preuves. Al-faqih, al-alim, al-muwaffaq, il fait des recherches et il yajma' al-adillah. Thumma, avec toutes ces preuves, il aura un hukm. Bien sûr, en revenant à Ahl al-ilm, ce n'est pas tout le monde qui a le qudra. Nous, dans ce genre de masail, bien sûr, on revient à Ahl al-ilm. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون العالم من علماء السنة vu qu'il a اطلاع واسع il a étudié العلم il a lu beaucoup de livres il a fait beaucoup de recherches il connaît des preuves que nous on ne connaît pas نحن, on ne doit pas se précipiter un délil et on pense qu'il n'y a que ce délil et on base tout sur la compréhension de ce délil en délaissant les savants ça ouvre un bab de dalal. Et comme minannas inharavu, ils se sont égarés à cause de cette façon de faire. Fata'ammalu al-mithal, l'exemple qu'on a là. Wa al-murad bil kufr huna kufr an-ni'ma al-ukhuwa al-imaniyya. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa qitaluhu kufr. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi yaqul kufr an-ni'ma. فإذا تقاتل المؤمنون الذين أنعم الله عليهم برابطة الإيمان فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة الرابطة اسم نعمة عظيمة ce lien qui unit المسلمين الإيمان والتقوى et on a le même prophète صلى الله عليه وسلم on a le même livre on croit au même إله on adore le même إله الله سبحانه وتعالى c'est une نعمة عظيمة كم من الناس من الكفرة من المشركين ils se détestent et ils s'entretuent les anahoum ils n'ont pas la même religion ils n'ont pas de principe amanahnou là on est des mu'minoun et c'est une ni'ma ton frère il a des droits sur toi et toi tu as des droits sur lui celui qui combat son frère kafara bihadihi ni'ma il ne prend pas en compte cette ni'ma et ce bienfait la fraternité entre frères فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتاله كفر أي كأنه يكفر هذه النعمة il reconnaît pas ce bienfait لكن jusqu'ici on peut toujours se poser la question mais pourquoi c'est du كفر أصغر قال الشيخ نجمي رحمة الله عليه فإنهم يعتبرون قد كفروا بهذه الرابطة بمعنى أنهم جحدوا ولهذا فإن الله عز وجل سماهم إخوة رغم التقاتل Et c'est ça, la preuve, il va citer, on va lire ensemble, inshallah, le verset, pour te montrer, Nahum, ça reste des frères. Les Anna, malgré qu'ils se sont combattus, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé les deux parties des frères. Ça reste des frères. Et le mu'min, c'est le frère du mu'min. Donc ça montre que aucune des deux parties n'est sortie de l'islam. Qala. Faqala ta'ala fi surat al-hujurat. Innama al-mu'minun ikhwah. بعد أن ذكر الطائفتين الباغية والمبغي عليها الباغية t'as deux groupes الآن t'as deux groupes de مؤمن on peut donner l'exemple deux tribus ces deux tribus elles se combattent elles s'entretuent إحداهما باغية الباغية ça vient de البغي ça vient de الظلم hey, c'est elle qui commet l'injustice la première tribu la deuxième tribu مبغي أو مبغي عليها elle subit l'injustice donc on a un muhiq et un mubtil une des deux parties elle est sur le haq l'autre elle commet des injustices elle n'est pas sur le haq قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة il les a appelés إخوة malgré qu'un des deux groupes il est injuste et il fait du mal à son frère ou à ses frères قال بعد أن ذكر الطائفتين الباغية والمبغي عليها في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الله سبحانه وتعالى vous avez remarqué les appelés مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ces deux groupes de مؤمنين s'entretuent ça montre que ces deux groupes ça reste des مؤمنين Malgré qu'un des deux groupes, celui qui commet l'injustice, il est tombé dans un grand péché, il fait du mal à son frère, il rendra des comptes yawm al-qiyama, lakin, on n'a pas le droit d'exagérer et dire qu'il sorte de l'islam. Là. Pourquoi ? لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اللي زعبلي مؤمنين كذلك على فاجو فيرسي قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الله اللي زعبلي على فاجو فيرسي إخوة les croyants c'est des frères فأصلحوا بين أخويكم essayez de réconcilier entre vos frères et la réconciliation elle est venue après ماذا أحسنت se réconcilier c'est après un conflit. Ils se sont entretués, ils se sont combattus. Allah, il nous a ordonné de réconcilier entre nos frères. Ça montre que après le combat, après le conflit, ça reste des frères. Donc, ils ne sont jamais sortis de l'islam à cause de hada. An-Nabi sallallahu alayhi comment il a appelé ce dhimb? Kufr. Wa qitaluhu kufr. Dans le Coran, tu as la précision que c'est des frères. Et ça, c'est min adillat anna al-Qur'an yufassir al-sunnah. Le Coran, ça peut détailler sunnah. Et sunnah, kadhalik, elle détaille al-Qur'an. إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تأملوا au début du verset إنما المؤمنون إخوة أو au début du verset وإن طائفتان من المؤمنين il les a appelés مؤمنين ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة deuxième fois ثم قال عز وجل فأصلحوا بين أخويكم trois fois il les a appelés إخوة أو مؤمنين فأثبت لهم أخوة فأثبت لهم أخوة الإيمان مع وجود التقاتل بينهم الله سبحانه وتعالى il les a appelés مؤمنين مؤمنين malgré qu'ils se sont combattus entre tués malgré ce conflit وقال أيضا في سورة البقرة فيما إذا عفي عن القاتل من القصاص وقبلت الدية قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان Ce musulman qui a tué un autre, bien sûr, il y a des règles. وَمِنْهَا الْقِصَاصِ Il doit se faire tuer s'il a tué un mu'min. Lakin, si les proches, ils lui pardonnent, et les proches de la victime, ils pardonnent au meurtrier, قال عز وجل فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ Et si ils ne veulent pas appliquer le qisas, ils lui pardonnent, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a appelé le meurtrier ? أَخِيهِ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ Ça reste son frère. لَكِنَ الْقِصَاصِ الْقِصَاصِ حَقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ On doit l'appliquer si la famille elle se retire, il y a des autres règles qu'on ne détaillera pas ici. Et bien sûr, tout cela, ça revient à وَلِي الْأَمْرِ qui applique ses règles. C'est le gouverneur qui applique ses règles. قَالَ فَاتِّبَعُمْ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى آخِرِهِ Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le meurtrier قَالَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ Ah, et c'est son frère, celui qui a été tué, c'est son frère. Deuxième preuve du Coran, que même si un musulman tue un autre, ça le fait pas sortir de l'islam, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-qitaluhu kufr ». Ça nous montre tout cela, que Al-qital c'est du kufr asghar. « وَقَدْ غَلِطَتْ الْخَوَارِجْ فِي هَذَا الْبَابِ فَكَفَّرَتْ بِالذُّنُوبِ الْكَبَائِرِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِجَهْلِهِمْ وَإِعْرَاضِهِمْ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكْفِيرِهِمْ لِلصَّحَابَةِ Et on a étudié ensemble, walillahi alhamd, il y a quelques semaines, cette secte al-Khawarij, et on a détaillé ce fondement. Annahum ya'taqiduna anna celui qui fait un grand péché, c'est un kafir, wa yukaffiruna. Et on avait détaillé, walillahi alhamd. Et pourquoi hada? Kama qala al-Sheikh, rahimahullah, illa li jahlihim wa i'radihim. Certains, c'est des ignorants. Et d'autres, même si tu leur montres, فيعرضون يسددون يسيب الهوى يكفر أهل العلم والحكام فسد أشرار كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق et les appeler كذلك كلاب النار هؤلاء ils ont beaucoup beaucoup de char et ils ont pris ce genre de verset ou de hadith ou que c'est cité kufr ou shirk et ils font pas cette ou ils sont pas revenus à l'explication de أهل العلم et ils se sont égarés مع أنهم إذا تؤدي المسلمين بغير حق، s'ils appliqueraient le hadith، فأو ils sont أولى بهذا الحكم. لكن quand c'est pour eux، ils appliquent pas. Ils se trouvent toujours des excuses. أنهم c'est من باب الجهاد، أنهم c'est من باب النهي عن المنكر، alors que c'est du فساد في الأرض. فكم يقتلون من الأبرياء، في التفجيرات والاغتيالات. Ils font des attentats maintenant, ils tuent des innocents, femmes, enfants, des musulmans. Et malgré cela, ils pensent que c'est le djihad. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa qitaluhu kufr ». Lakin al-khawarij wa jami' ahl al-ahwa. Ils prennent le délit que quand ça les arrange. Ou ils pensent que ça les arrange. Et quand c'est contre eux, imma ils déforment, imma ils se détournent, imma ils trouvent des explications ba'ides. فالحذر من الهوى الانسان quand il étudie un dalil il faut pas qu'il pense que ou il essaie de adapter ce dalil à sa situation, ça c'est من الهوى. كما اخبر الشيخ العثيمين رحمه الله عليه ان بعضهم يتورد الادله هكذا حتى il adapte à sa situation et il essaie de placer le dalil pour lui, ça c'est من الهوى. Là ta situation c'est une chose, ثم الدليل, tu dois le comprendre comme ils l'ont compris les sahaba, comme ils l'ont compris Ahlul Ilm. Si, alhamdulillah, le dalil est en ta faveur, fahmadillah, c'est une ni'ma. S'il n'est pas en ta faveur, fatoub ila Allah et revient. C'est ça le haqq. Al-hadar, il y en a beaucoup de nas, ils ont des preuves et elles sont ba'idah. Et dans l'étude qu'on fait ensemble, walillahi alhamd, sur les firaq, on a vu ça. Al-khawarij, ils utilisent des preuves, elles ne sont pas à leur place. Al-rawafid, al-murji'ah, al-qadariyah. Ces quatre sectes qu'on a vues et d'autres qu'on verra ensemble bi'idnillahi azza wa jal. قال الشيخ نجمي رحمه الله وعدم أخذهم عنهم فوقعوا والعياذ بالله في البدعة الشنيعة. تأملوا قوله رحمة الله عليه وعدم أخذهم عنهم. Pourquoi ils se sont égarés? الإعراض, et ils ont délaissé la compréhension des compagnons رضي الله تعالى عنهم. الصحابة à cette époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est des références pour cette ummah. C'est eux qui ont assisté à la révélation, c'est eux qui ont compris les textes. Ils ont pris directement l'ilm à Nabi sallam, ils ont compris. Enfin, le qawl, c'est leur qawl, c'est pas ceux qui sont venus après. On doit comprendre comme ils ont compris eux. Comme a dit Azza wa Jal, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Si vous croyez à ce qu'ils ont cru, les premières générations, faqad ihtadaw, vous serez guidés, c'est ça le haqq. Et nahnu, c'est la même chose avec nos savants, hein. Ça ne veut pas dire que nos savants, ils ont le rang de sahaba, radiyallahu anhu. Abadan. Lakin, pour comprendre l'explication ou la voix de sahaba, tu es obligé de revenir aux savants de ton époque. Fal khawarij, à l'époque de Uthman, radiyallahu anhu, ils l'ont tué. Thumma, à l'époque de Ali, ils l'ont combattu. Au lieu de revenir aux compagnons et comprendre comme ils ont compris, ils les ont combattus. Inharafu. Hatta qala fihim, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yamruquna min ad-din. Ils vont sortir de ce din. كما يمرق السهم من الرمية. Une flèche, quand elle est lancée très forte, elle transperce la proie et elle sort. هكذا هم, ils vont sortir de l'islam. بعض العلماء, ils ont compris de ce hadith أن الخوارج c'est des كفرة. وحكموا عليهم بالكفر أنهم, ils sont sortis de l'islam. Et la masala, il y a une grande divergence في هذا الباب. لكن على كل حال, même si on dit que ça reste des musulmans, c'est des dolal. Pourquoi? قال وعدم أخذهم عنهم. Attention, أخي الكريم, de ne pas vouloir comprendre ce dîn tout seul. Les livres, ça ne suffit pas. Les livres, c'est une ni'ma. Lakin, ça ne suffit pas. Écouter des cours, ça ne suffit pas. C'est muhim. Ça ne suffit pas. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Lakin, في المسائل العظيمة الكبيرة النوازل, des choses qui se passent, des fitelles, tu es obligé de revenir à أهل العلم. Dans le livre, il n'y a pas tout. Chaque situation, elle a des choses, elle a des conditions, elle a des choses qui vont l'expliquer, qui vont la détailler. Tu es obligé de revenir à Ahl al-Ilm. Fa fi zaman al-fitna al-oula, à l'époque de Uthman, radiyallahu an, al-khubatha, al-ashrar. Pourtant, ils sont venus à Medina. Et il y avait des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman et d'autres. Enfin, au lieu de, s'ils n'ont pas compris, au lieu de demander pourquoi, ils ont tué Uthman. Thumma, ils ont tué Ali. Leur fitna ila yawmina hadha. Annahum yakumbat al-muslimin. Al-insan yahdhar. Et da'iman, ces deux parties, il fait attention à le comportement qu'il doit avoir. C'est qui les deux parties? Les savants et les gouverneurs. Fait attention. Kathirun minan nas, ils sont égarés. Imma ta'an fi al-ulama, imma ta'an fi al-hukam. Un sunni, il doit connaître sa place

La niqash ma haoula avec n'importe qui min ahl al-ahwa. Et haoula, c'est encore plus, leur fitna est encore plus grande. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, en yakfina sharrahum. قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Deux autres exemples avec ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اثنتان في الناس هما بهم كفر. Deux choses, c'est du كفر. Et certaines personnes, ils font ces deux choses. At-ta'nu fi an-nasab, critiquer le nasab d'un autre, insulter ses parents, insulter sa tribu, insulter ses ancêtres. Hada la yajuz. Un musulman, tu dois le respecter. Limada at-ta'nu fi nasabi. Et la deuxième chose, an-niyaha 'an al-mayyit. An-niyaha, c'est élever la voix, crier quand wahid perd un de ses proches. Ba'd an-nisa elle tombe dans hada adh-dhanb al-'azim. Ba'dahunna, elle se déchire les vêtements, elle se griffe et elle crie. Et hada c'est khatir, c'est kufrun asghar. Pourquoi? Li'anna al-mu'min doit accepter qadar Allah. Ce proche qui est mort, qui c'est qui a repris son âme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Est-ce qu'il va rester éternellement là? Certains meurent jeunes, certains meurent avec un accident, certains meurent à cause d'une maladie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qadar les choses hakada. Ça ne veut pas dire que si tu perds un proche, tu dois être heureux là. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, baka, quand il a perdu son fils Ibrahim, il était triste. Inna al-qalba yahzan. Lakin, jamais atteindre ce niveau, on a sallallahu subhanahu wa ta'ala, l'afiyah, wa salam, wa thabat, de crier, ba'dahun, des femmes et des hommes, kadalik, lakin fin nisa akthar, ba'dahun, ils ont un i'tirad, wadih. Et pourquoi un tel, pourquoi on me l'a repris? Et quel homme khatir? Là, l'insan il dit Inna lillah wa inna ilayhi radi'oun. Et yastaghfir li hadha al-mayyit. Et il y a juste qu'il soit triste, qu'il pleure sans dépasser les limites. Lakin tout ça, ça revient au quoi? À quoi? À une aqida sahiha. Fi al-asma'i wa al-sifat wa fi bab al-qadr. قال ومما ينبغي أن يعلم أن الاستحلال العملي لا يوجب الكفر وإنما يوجب الكفر الاستحلال الاعتقادي. Et ça, c'est un point très important. Al-Khawarij, ils ont une shubha. Annahu, celui qui fait un grand péché, c'est que forcément, il a rendu halal. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et ça, c'est khatir, diddan. Al-istihlal, il est de deux catégories. Ou par rapport à ce kalam. Al-istihlal, il est wahid. Lakin, par rapport à ce kalam, istihlal, c'est rendre une chose halal. Wahid, si il dit, مثلاً, on cite un exemple, al-khamr, c'est halal. Alors que c'est connu, walillahi alhamd, inda al-muslimin, anna al-khamr, c'est haram. C'est ça la base. Le fait de dire al-khamr halal, c'est du kufr akbar. Kufr al-takdhib, qu'on a vu dans le dors précédent. Les versets sont clairs, les hadiths sont clairs, anna l'alcool, c'est haram. Donc ça, c'est avec le cœur. Même s'il ne boit pas, c'est quoi son hukm? Pourquoi? Ahsant, lianahu waqa'a fi kufr al-takdhib. Même s'il ne boit pas, il n'a jamais bu de sa vie. Lakin il dit l'alcool c'est halal. Ça c'est du kufr akbar, ça fait sortir de l'islam. On est tous d'accord. Al-Khawarij, à cause de leur principe erroné, leur voix égarée, ماذا قالوا? Si ce musulman, il boit de l'alcool, il a bu aujourd'hui, il boit demain, pour eux c'est qu'il a rendu halal. Alors que c'est pas vrai. Il peut boire. Quand on dit il peut boire, ça, on n'autorise pas là. Et il boit, lakin au fond de lui, il sait que c'est haram. Kam min al-muslimin, ils boivent de l'alcool et ils regrettent. Lakin c'est de la faiblesse de foi. Inda al-khawarij la c'est un kafir. S'il a bu, c'est que pour lui c'est halal. Alors que c'est très très grave. Vous avez compris pourquoi ils font sortir de l'islam? Si tu fais maintenant l'ayadam billah, wahid il fait zina, c'est qu'il a rendu halal. Il penserait que ça serait haram, il ne l'aurait pas fait. Ça c'est batil. Al-mas'ala al-azima al-hukm bima anzal Allah al-khawarij al-sangari min hadha al-bab. Ils ont dit si ce gouverneur il juge par autre que les lois d'Allah, c'est qu'il rend halal. Là, peut-être qu'il juge par les autres que les lois d'Allah et au fond de lui il sait que c'est haram, lakin Il n'a pas cette force. Il subit des pressions, il est faible et il n'arrive pas à appliquer. On dit ça reste un musulman. Lakin, il doit faire tawbah et c'est très grave ce qu'il fait. C'est pour ça que indahum, quand tu fais ce dhanb, c'est que tu l'as rendu halal. Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, une munaqasha, elle est répondue. Il conseille haoula al-Khawarij, que ce soit Salman, Safar et haoula al-Khawarij, qui sont fait le Hijaz, qui sont fait le Najd. Et dans un audio, il les naqash sur cette mas'ala, al-Hukm bi ghayri ma anzalallah. Et il montre, Cheikh Ibn Baz, al-Mawqif sahih, le gouverneur qui sort de l'islam, c'est celui qui rend halal. Et il leur montre. Thumma ils essayent de lui faire dire, lakin shir, s'il applique depuis des années, ça veut dire qu'il rend halal, il ne rendrait pas halal. Et hakada, cette chose. Cheikh Ibn Baz leur répond, la. Ça le fait sortir de l'islam s'il rend halal. S'il ne rend pas halal, ça reste un musulman wa yun sahila. Et c'est ça, al-mawqif al-sahih. Fal hadar min al-shubuhat. Cheikh Najmi rahmatullah alayhi va citer un dalil pour appuyer, on l'a déjà cité. Naqra. قال فمثلا من راينا عمل الربا والزنا او شرب الخمر مره بعد مره. Cette sourah, cette mas'ala, tu vas la comprendre si tu as compris que مثلا واحد il boit de l'alcool, il a été conseillé, il reboit de l'alcool. En apparence, il boit de l'alcool car il n'accepte pas le conseil. Al-Khawarij, ils ont tiré une conclusion, il n'a pas accepté le conseil, donc il le rend halal. Et ça, c'est faux. قال لا يجوز أن نطلق أو أن نطلق عليه الكفر ونجعله من الكافرين كفرا مخرجا من الملة. Pourquoi? قال ففي الصحيح صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا. On l'a déjà cité cette histoire ensemble. أظن quand on a étudié ensemble la secte des Khawarij, on avait cité ce dalil pour montrer que التكفير بالذنوب c'était باطل بالكبائر. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, هذا الرجل عبد الله, il est surnommé حمار, il faisait rire le Nabi صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. النبي صلى الله عليه وسلم il avait déjà fouetté لأنه il avait bu de l'alcool. فأتي به يوما فأمر به فجلد. Une autre fois, il a rebu de l'alcool. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné qu'il se fasse fouetter. فقال رجل من القوم اللهم لعنه وما أكثر ما يؤتى به. Un homme qui était dans l'assise, il a dit اللهم لعنه, qu'Allah le maudisse. Et à chaque fois, cet homme il boit et le Nabi صلى الله عليه وسلم il le fouette. فقالله le maudisse. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. Malgré qu'il boit, malgré plusieurs fois, malgré que c'est à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه. Pourquoi? Parce que c'est un mu'min, ça reste un musulman. Ne le maudissez pas. بل النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه il a l'iman. لأن المحبة c'est une des bases de l'iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا جوري ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. Et تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم il est مؤيد بالوحي, il appuie par la révélation. Il a montré أن هذا الرجل عبد الله il aimait Allah et son prophète malgré qu'il boit, malgré qu'il a bu plusieurs fois. قال الشيخ وفي رواية فلما انصرف قال رجل ما له أخزاه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. Les deux hadiths sont في الصحيح. تأمل le deuxième hadith, la deuxième رواية. النبي صلى الله عليه وسلم قال على أخيكم, il l'a appelé أخ, c'est leur frère, n'aidez pas Shaitan contre votre frère. Et نستفيد من هذا الحديث أن si on connaît un musulman qui a des faiblesses, il boit de l'alcool, il fume, il a du mal à certaines choses, et on sait qu'il aime din, qu'on ne comprend pas le din. Mettez-le, Abdullah هذا, qui est cité dans ce hadith, on ne doit pas aider Shaitan contre ce frère. Annahu, on ne l'aide pas, Annahu, on ne le conseille pas, Annahu, on fait dua contre lui, Iyadam Billah. Là, il a un haq sur nous, ça reste un musulman. S'il accepte le haq, ou plutôt s'il écoute et on voit qu'il aime le dîn, qu'il a des faiblesses, Aïda doit avoir un comportement contrairement à d'autres qui montrent leur péché devant tout le monde et ils ne respectent pas celui qui les conseille, et Rabbama, ils se moquent. Ah, là, c'est une autre catégorie. Amma, tu trouves, Bard al-Muslimin, ils font des péchés. Lakin, wallahi, ils aiment din. Ils aiment sunnah, ils aiment al-ulama wa talabat al-ilm, ils aiment les frères qui leur montrent, lakin, ils ont des faiblesses. Famit la haoula, on les rapproche, sans se mélanger quand ils font le ma'asiyah. Le ma'asiyah, c'est le ma'asiyah. Lakin, de temps en temps, on les approche, on leur montre, tu lui donnes un peu de ton temps et tu lui donnes ça. La'alla, il accepte, était le sabab de sa guidée. Amma, les insulter, offrir du'a contre lui, akhzahullah, et là, déjà il est dans une faiblesse, pourquoi envoyer des shaytans? Bel, on fait du'a pour lui, c'est surtout si c'est un de tes proches, la tansa fi sujoudik, tu fais du'a qu'Allah il le guide, et Allah subhanahu wa ta'ala il est ala kulli shay'in qadir. قال فكون الإنسان ينساق بالشهوة أو الطمع أو غير ذلك من الأسباب التي يقع الناس بسببها في كبائر الذنوب هذا لا يجب كفرا حتى وإن وقع في الذنب عدة مرات إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه même si il fait ce dhamb pendant un an, deux ans, dix ans, même s'il boit d'alcool 100 fois, 200 fois, tant que il rend pas cette chose halal et il dément pas, il critique pas les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdisent, ça reste un musulman. Et quand nous lisons ce genre de kalam de nos savants, ça ne veut pas dire que nos savants ils donnent pas d'importance et ils montrent pas la gravité des péchés. Là, les al-nashir, il parle sur une choubra grave de le faire sortir de l'islam. Wa illa valashak, quand il boit, c'est très très grave. C'est un énorme péché et laquelle on n'a pas le droit d'être injuste et de dire c'est du kufr. Akbar, ça fait sortir de l'islam, là. Pourquoi? Les anna at-tashri' à dire cette chose c'est halal, cette chose c'est haram, cette chose ça fait sortir de l'islam, cette chose c'est une bid'a, ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui montre et qui nous a, il a cité Azza wa Jal, il a révélé le Coran avec cette sharia azim. On n'a pas le droit, nous, de devancer et déformer et suivre nos passions exagérées, là. Wallahi, ceux qui rendent kafir al-usaf, al-haqiqa, ils sont pires. Léna, celui qui voit l'alcool, c'est un musulman, il est faible. S'il aime la sunna, il a arrêté, il a ce péché, c'est grave. Il rendra des comptes yom al-qiyam. Et Allah, il peut lui pardonner, Allah, il peut le châtier. Amma al-munharif al-khariji al-takfiri, il est à la khatr azim. Léna, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés shar al-khalq wal-khaliqa, kilab al-nar. Il a démontré qu'ils sortent min hada ad-din. Al-haqiqa, al-khariji al-mubtadi' qui fait sortir les pécheurs de l'islam, fait le haqiqa. Al-Khawarij, ils sont pires. Ulama al-Sunna, ils n'ont pas divergé. Est-ce que celui qui boit de l'alcool, c'est un kafir? Abadan. Ils sont tous unanimes que ça reste un musulman. Lakin, ils ont divergé sur le Khawarij, est-ce que c'est des kuffars? Et le qawl bi takfirihim, il n'est pas ba'id. Wallahu a'lam. Cette mas'ala, il faudrait la détailler. Lakin, kathir min al-a'imma, ils ont kafir. Qala. إلا أن يصحب ذلك الفعل تكذيب بتحريم ذلك الشيء الذي وقع فيه واستحلال له مع أن ذلك الشيء من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فهذا يكفر. Ça c'est important كذلك. أي c'est qu'il rejette une chose qui est معلومة من الدين بالضرورة. أي une chose que tout le monde connaît. مثلا واحد عيادا بالله il dit أن y a pas de salat, y a pas de hajj. L'alcool c'est halal, le zina c'est halal. Hada, tu prends n'importe quel musulman, il sait que l'alcool c'est haram, il sait que le zina c'est haram. Si il kadab fi hada, yakfur. Amma des masail khafiya. Kathir men annas, ils savent pas. Si il dément, fa fi hada al-hal, on lui montre. Il y en a peut-être qu'il ne savait pas. Et s'il s'entête, c'est autre chose. Fa hada yakfur. Amma bidoun al-istihlal, fa innahu la yakfur. C'est pour ça que le qawlu sahih, c'est même si ce gouverneur yahkum dans plusieurs masail bighayr ma anzal Allah, ça reste un musulman. Ils ont posé la question à Cheikh Abdul Muhsin, Hafidhahullah Ta'ala, Al-Abban, et il a répondu, Hatta fi elf, même dans mille cas, ça reste un musulman. Tant qu'il n'y a pas l'istihlal, c'est ça le qawl al-sahih. Wal-muhim, anna kufra al-ni'ma la yujib al-khuruj min al-islam al-qawli, wa la yujib al-khulud fi al-nar, wa la yujib hubut al-amal, wa la yujib itlaq al-kufr ala dhalika al-shakhs. إلا إذا صحبه استحلال لمحرم مجمع عليه أو التحريم لحلال مجمع عليه. نعم. Donc ça reste un musulman tant que il rend pas halal une chose que Allah il a haram et cette chose elle est claire, elle est connue عند المسلمين. في هذا الحال سي يدمون لي تيكست اي ران حلال سكو الله الى الى حرم او العكس هذا سانودك هذا اي في الحقيقه اي باسكول دون كفر اكبر avec des autres adillat اما فير دي بيشي اي avoir la croyance que c'est haram ça fait pas sortir de l'islam لكن on doit pas comprendre de cela et on répète ان الانسان يتهاون في المعاصي لان المعاصي المعصية un péché il emmène un autre et un autre il emmène un autre الايمان يضعف يضعف حتى الانسان اللي على خطر لكن العدل être juste c'est suivre عقيدة السلف أن الصاحب الكبيرة tant que c'est un مسلم son grand péché le fait pas sortir de l'islam والله المستعان هذا ما يتعلق بهذا الباب الكفر et c'est مهم et on a étudié ensemble ولله الحمد الأكبر avec différentes catégories et des règles الأصغر qu'on a vu ensemble aujourd'hui فالمراجعة réviser Ce chapitre, il est très important. Et dans le prochain dars, on étudiera ensemble Bab al-Nifaq, l'hypocrisie, Inch'Allah ta'ala. Naktafi bihada al-Qadr. C'est compris, Hada? Hada al-Bab, il est compris, Alhamdulillah.